La méditation de l'arbre vous permet de trouver la stabilité et la force nécessaires pour résister aux épreuves que vous pouvez affronter. Solidement ancré dans le moment présent, vous gagnez en confiance en vous. Vous pouvez pratiquer cette méditation en étant assis sur une chaise, le dos bien droit tout en restant souple, les pieds correctement posés au sol, les mains reposant sur vos cuisses ou sur vos genoux. Mais vous pouvez également rester debout si vous le désirez, en écartant légèrement les jambes de la largeur de votre bassin. Fermez doucement les yeux pour vous intérioriser, tout en dirigeant votre attention sur votre souffle. Prenez trois inspirations profondes et poussez vos expirations le plus loin possible pour chasser parfaitement l'air de vos poumons. Laissez maintenant votre respiration reprendre son rythme naturel et laissez-vous bercer par les ondulations qu'elle provoque en vous. Tout en demeurant ici, dans cette posture digne et déterminée, représentez-vous un arbre majestueux. Il peut s'agir d'un arbre que vous avez déjà vu, ou tout simplement que vous imaginez. Laissez l'image devenir nette. Observez sa forme générale. Sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel. La large base de son tronc, profondément ancrée dans le sol. Notez comme il est massif, solide et immobile, inspirant la stabilité et la sécurité. Magnifique, de loin comme de près. Détaillez ses particularités. La couleur de son écorce, la forme de ses branches, celle de ses feuilles. Peut-être les imaginez-vous verdoyantes, comme le sont les feuilles fraîchement apparues au printemps. Ou encore, les voyez-vous rousses, rouges, comme elles le sont à l'automne? Demeurez simplement ici et respirez avec l'image de ce splendide arbre. lorsque vous vous sentirez prêt, intégrez cet arbre à l'intérieur de votre propre corps, de sorte que vous et lui ne fassiez plus qu'un. Ainsi, vous partagez sa massivité, son immobilité. Vous devenez l'arbre ancré dans cette posture. Poussez votre souffle dans vos jambes, puis un peu plus loin, dans vos pieds. Voyez-les se transformer en racines. À chaque respiration, elles s'enfoncent et se multiplient. Un peu plus. À chaque respiration, vous devenez cet arbre, inébranlable dans l'immobilité. Une présence centrée, enraciné, immobile. À présent, comme l'arbre, vous êtes attentif à votre environnement. La nuit succède au jour, les saisons s'enchaînent, le temps change d'instant en instant. L'arbre expérimente le changement de chaque moment. Dans le calme et la sérénité. En été, le soleil chauffe. À l'automne, ses feuilles s'envolent. L'hiver peut apporter le froid, la neige, la glace. Rien de tout cela n'affecte l'arbre qui, en toutes circonstances, demeure essentiellement lui-même. Malgré les tempêtes, l'arrivée des oiseaux au printemps. Qu'importe, tout cela n'est qu'en surface. Faites ici l'expérience de l'arbre. Vous incarnez maintenant la même immobilité. Le même enracinement inébranlable. malgré les changements de votre vie, au fil des heures, au fil des années, au fil des événements extérieurs. En incarnant cet arbre, vous vous connectez à sa force et à sa stabilité. Vous ressentez ses énergies puisées au creux de la terre, cette force tranquille. À chaque expiration, vous sentez vos racines s'enfoncer un peu plus et se multiplier. À chaque inspiration, vous sentez l'énergie de la terre remonter en vous. Tandis que vous respirez, vous pouvez ressentir en vous la force et l'énergie de l'arbre. Sa connexion avec son environnement. Mais également sa sérénité face aux événements. Voyez vos pensées, vos sensations, vos préoccupations, vos tempêtes et vos crises émotionnelles, comme les aléas de la nature, de l'environnement de l'arbre. Cela finit toujours par changer. Cela finit toujours par passer. Lorsque la cloche retentira, vous quitterez doucement votre posture, mais vous ne quitterez pas l'énergie de l'arbre qui vous habite désormais. Vous savez maintenant que vous possédez en vous les ressources nécessaires pour appréhender les événements de votre vie. Prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et reprendre vos activités. Et surtout, n'oubliez pas de vous remercier pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé.